Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, très heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, eh bien, on va se dire bonjour avec une pièce qui s'intitule précisément « Salut d'amour ». C'est une pièce de Sir Edward Elgar. C'est le compositeur anglais qui représente, qui symbolise l'Angleterre victorienne, tout au moins la fin de l'ère victorienne, puisque on sait que la reine Victoria a eu un très très long règne. Mais Elgar, bien, c'est le compositeur de la fin du 19e siècle en Angleterre. Il s'est fait connaître grâce à ses variations Enigma en 1899, qui évoquait sous forme de rébus des personnalités qui étaient proches de lui. Et puis les marches Pomp and Circumstance, qui vraiment, eh bien, sont des, comme pour la première marche en tout cas, sont considérées en Angleterre comme une seconde hymne national. Et Edgar, il était catholique en pays anglican, donc c'était pas facile pour lui. Et pour autant, il a réussi à s'imposer tout de même. Il était le fils d'un modeste commerçant qui vendait des partitions de musique et qui était occasionnellement accordeur de piano. Et puis ensuite, donc, il a vraiment été anobli par les rois, le roi d'Angleterre, et il est mort dans les années 30. Il a connu l'essor du disque de l'industrie phonographique. Il a même enregistré son concerto pour violon avec le tout jeune Yehudi Menuhin. Allez, voici ce salut d'amour en principe pour violon et piano, mais dans une version violoncelle-piano avec Gauthier Capuçon au violoncelle et Jérôme Ducrot au piano. vous aurez rectifié de vous-même, hein, je pense. J'avais annoncé version violoncelle piano. Eh bien, c'était une version violoncelle et orchestre, avec toutefois Gauthier Capuçon au violoncelle et l'orchestre de chambre de Paris, direction Douglas Boyd. Après Gauthier, voici son frère, Renaud, violoniste, lui, bien sûr, très connu, et c'est peut-être ce que lui reproche, justement, ceux qui le critiquent beaucoup, lui et son frère, c'est d'être un peu trop omniprésent dans les médias et de ne pas faire beaucoup de place aux autres musiciens. Il est vrai que les frères Capuçon sont invités dans toutes les émissions les plus populaires, jouant des pièces de variété, des chansons de variété transcrites pour violoncelle ou violon. Et bon, c'est un reproche assez injuste, parce que effectivement, ce sont des musiciens qui aussi apportent, par leur notoriété, la musique classique à des gens qui peut-être ne la connaissent pas ou en écoutent très peu. En tout cas, ce sont deux fameux musiciens, et même si on reproche parfois à Renaud Capuçon de n'avoir jamais gagné de concours internationaux, il n'empêche qu'il a laissé quelques disques vraiment de très très belle qualité. Et c'est un violoniste qu'on a toujours plaisir à réécouter. Alors on va l'entendre dans une pièce qui est un standard du répertoire pour violon et orchestre. C'est la Méditation de Thaïs de Jules Massenet, qui figure dans un opéra. Et à ma connaissance, c'est la seule pièce concertante incluse dans un opéra. Allez, on l'écoute, cette Méditation de Thaïs, Renaud Capuçon. L'orchestre de chambre philharmonique de Brême est dirigé par Daniel Harding. Thank you. La célèbre méditation de Thaïs, tirée de l'opéra Thaïs, opéra de Jules Massenet, avec Renaud Capuçon au violon et puis Die Deutsche Kammer Philharmonie Bremen, direction Daniel Harding. Un peu de piano maintenant avec Muzio Clementi, c'est un Italien. Il est né en 1752, il est mort en 1832, 80 ans. C'est assez rare à l'époque, hein. Et c'est vraiment l'un des grands noms du piano en son temps. Il a eu une vie très aventureuse, il a bourlingué à travers l'Europe. Il est mort d'ailleurs en Angleterre, il est enterré à l'abbaye de Westminster. Et Muzio Clementi, il est connu pour une anecdote fameuse, c'est sa joute pianistique avec Mozart, organisée, si je puis dire, par Joseph II, en tout cas devant l'empereur Joseph II. On n'a pas su les départager, hein, ils étaient tous les deux aussi bons. Et Clementi, a joué, a affronté Mozart. Mozart qui a été très dur par la suite avec lui, il racontait dans des lettres que Clementi avait un jeu très mécanique, pas très sympathique. Et pour autant, l'œuvre qu'on va écouter de Clementi, la sonate opus 24 numéro 2, est intéressante parce que, si on y regarde de près, c'est presque le thème de l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart. Et cette sonate date de 1788, 3 ans avant la composition de la flûte enchantée. Et ensuite, par la suite, Clementi ayant vécu beaucoup plus longtemps que Mozart, à chaque fois qu'on a joué cette sonate, il a été obligé de se justifier. Certains l'ont accusé de plagiat par rapport à la flûte enchantée, alors que, comme il l'expliquait lui-même, cette sonate avait été jouée 3 ans avant la composition de la flûte, devant l'empereur Joseph II et en présence de Mozart, qui a peut-être, certainement d'ailleurs, retenu le thème. Voilà, donc Muzio Clementi, compositeur vraiment intéressant pour les pianistes. Il a laissé un recueil qui s'appelle Gradus ad Parnassum, qui est quelque chose d'assez aride, et ça serait vraiment une erreur de le limiter à ce seul recueil. On écoute tout de suite, on va s'en rendre compte justement de la merveilleuse musique de Clementi, on écoute tout de suite l'Allegro con brio de la sonate opus 24 numéro 2, joué par Howard Shelley. Thank you. La sonate opus 24 numéro 1 de Muzio Clementi, interprétée par Howard Shelley. Alors si vous avez dans l'oreille l'ouverture de la flûte enchantée, tout au moins le thème du début, eh bien vous aurez remarqué ce que Mozart doit à Clementi. Mais le monde musical a toujours été un monde particulièrement rude. Mozart justement, bah le voilà, avec sa 35e symphonie qui est sous-titrée Haffner. Pourquoi Haffner? Eh bien c'est une commande pour honorer le maire de Salzbourg, Sigismund Haffner, à qui d'ailleurs Mozart avait déjà dédicacé une sérénade. Et cette symphonie est particulièrement novatrice, je trouve. C'est fait partie des dernières symphonies de Mozart, très très souvent jouées au concert et enregistrées, bien sûr. Alors en voici le premier mouvement, Allegro con spirito, Allegro avec de l'esprit, joué par un grand mozartien, Karl Böhm, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Thank you. Allegro con spirito de la symphonie numéro 35 Hafner de Mozart avec l'orchestre philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm. Un peu d'opéra maintenant avec un opéra peu connu d'André Messager qui était compositeur et chef d'orchestre, Madame Chrysanthème. Alors c'est un sujet récurrent que celui de proposer l'union d'un occidental avec une étrangère. Il y a l'Acmé de Delib, il y a bien sûr Madame Butterfly de Puccini, qui sera bien plus tardif que Madame Chrysanthème. Et c'est la même histoire, avec quelques différences tout de même entre Madame Chrysanthème et Madame Butterfly. L'opéra de Messager a été créé au Théâtre de la Renaissance en 1893, et il a la même source que l'opéra de Puccini, c'est-à-dire le roman de Pierre Loti, qui raconte la brève union d'une geisha japonaise avec un marin breton en l'occurrence, alors qu'évidemment Pinkerton dans l'opéra de Puccini est américain. Mais contrairement à Butterfly, Chrysanthème sait que son mariage n'est que temporaire, donc il n'y a pas vraiment de drame. C'est une mélancolie un peu vaporeuse, si je puis dire, qui embaume cet ouvrage. Donc on va en écouter un extrait, l'un des airs les plus célèbres, Sous le soleil béni, avec la belle voix de Sabine Devielle. L'ensemble Les siècles est dirigé par François-Xavier Roth. Oh, Un superbe voix de soprano colorature qui incarne merveilleusement ces voix exotiques. C'était la voix de Sabine Devielle, soprano avec l'orchestre Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth. On a une rubrique dans cette émission, c'est de présenter les 32 sonates pour piano de Beethoven. Et nous en sommes à la sonate numéro 10. Alors c'est pas une sonate très connue, il faut le dire, peut-être pas non plus l'une des plus intéressantes. Et pourtant, eh bien avec cette sonate qui est née dans des circonstances mystérieuses, publiée en 1798, eh bien on se rapproche de la première symphonie de Beethoven, car Beethoven, il faut le rappeler, n'a composé sa première symphonie qu'à 30 ans. Et Mozart, on le sait, avait déjà composé la plupart de son corpus symphonique. Bref, une sonate qui a tout de même de belles qualités. Et je vous en propose l'Allegro, le premier mouvement, joué par Stephen Kovacevic. Le premier mouvement allegro de la 10e sonate opus 14 numéro 2, faut toujours être précis, de Beethoven interprété par Stephen Kovacevich. Un peu de musique baroque maintenant avec Alessandro Scarlatti, compositeur essentiel la charnière 17e-18e siècle. Il est né en 1660, il est mort en 1725, le père de Domenico, l'auteur de nombreuses sonates pour clavecin. Et ce qu'on va entendre, sa passion selon Saint Jean, eh bien, c'est très différent de ce que Bach a fait sur le même thème, puisque vous savez que Bach a composé différentes passions selon Saint Jean, Saint Matthieu. Deux seulement sont parvenues complètes jusqu'à nous. Et là, on va pas vraiment vers Bach avec Scarlatti, on va plutôt vers Monteverdi. Hein, il s'inspire encore de la musique de Monteverdi. Alors voici le début donc de cette passion selon Saint Jean d'Alessandro Scarlatti avec l'ensemble Schola Cantorum Basiliensis dirigé par René Jacobs qui également chante le texte, chante l'évangéliste, donc une version historique réalisée en 1982 de cette passion selon Saint Jean d'Alessandro Scarlatti. C'est très très beau et méconnu. La passion selon Saint Jean d'Alessandro Scarlatti avec la voix de René Jacobs et la Schola Cantorum Basiliensis. Et on continue avec Schubert, sa 5e symphonie, une œuvre de jeunesse, si je puis dire, pour un compositeur mort à 31 ans. Et cette 5e symphonie, elle date de 1816, Schubert a 19 ans. C'est une œuvre assez enjouée, peut-être inspirée des symphonies de Haydn, probablement d'ailleurs. On ne sait pas vraiment si Schubert avait entendu les symphonies de Beethoven, il les a probablement connues parce qu'il vivait à Vienne comme Beethoven. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'a jamais osé aborder Beethoven alors qu'ils se sont parfois croisés. Mais Schubert était complètement inhibé par ce génie qui vraiment le fascinait. Il n'a jamais vraiment osé l'aborder directement, même si Beethoven a connu certaines œuvres de Schubert. Allez, voici le début de cette cinquième symphonie, l'Allegro, avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm. Le premier mouvement allegro de la 5e symphonie de Schubert avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm. Mais on continue avec Dvorak, la bagatelle numéro 1 pour deux violons, violoncelle et harmonium. Il n'y a pas tellement d'œuvres qui incluent l'harmonium, donc c'est toujours intéressant de l'écouter dans une formation chambriste. Et c'est interprété par le quatuor Domus. La bagatelle numéro 1 de Dvorak pour deux violons, violoncelle et harmonium par l'ensemble Domus. Et on va terminer l'émission avec un extrait de l'ouverture de Rienzi de Richard Wagner, un ouvrage de jeunesse que Wagner a plus ou moins renié par la suite. Il ne l'a jamais proposé au festival de Bayreuth. Je crois que cet ouvrage n'a jamais été joué d'ailleurs dans le cadre de ce festival consacré aux opéras de Wagner. Voici la conclusion de l'ouverture avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Karl Böhm. Conclusion de l'ouverture de Rienzi de Richard Wagner avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Karl Böhm. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain à partir de 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Bon samedi à toutes et à tous et à demain. Thank you.